marché de mon village, t'as repéré sur l'étalage. T'avais la patte un peu molle, mais moi ça m'a rendu folle. T'es ramené sur le canapé, ça s'est fait en trois bouchées. T'étais doux mais un peu gras, tu m'as coulé sur les doigts. Y'a pas meilleur qu'un bout de brie avec sa croûte fleurie. Rien qui me rende plus chaudasse que de m'envoyer de l'époisse. Je sais pas comment te dire combien tu me fais plaisir. Notre amour est aussi fort qu'un claquos qui pue la mort. C'est toi que je t'aime vachement beaucoup. C'est toi que je t'aime vachement beaucoup. Mais une fois que c'est terminé, je suis retourné chez le fromager qui a cru que c'était pour lui que j'avais tant d'appétit. Je lui dis t'as peut-être du caractère, mais pas autant du minster. Moi je suis pas une mangeuse d'homme, je suis juste une mangeuse de tomes. Y'a rien de meilleur que du chèvre glissé entre mes lèvres. Ce qui m'envoie au septième ciel, c'est de me faire le Neuchâtel. Je sais pas comment te dire combien tu me fais plaisir. Notre amour est aussi fort qu'un claquos qui pue la mort. C'est toi que je t'aime vachement beaucoup. C'est toi que je t'aime vachement beaucoup. Moi je m'en fous des tartes aux pommes, des gâteaux au chocolat. Quand j'aurai fini la tome, j'attaquerai le gorgonzola. Pour moi y'a qu'un seul dessert, faites péter le Saint-Nectaire. Dans mon cœur le number one, il s'appelle Chaussée aux Moines. Je vendrai un de mes deux reins pour un peu de Saint-Marcelin. Je coucherai même avec ton père pour une meule de gruyère. Je sais pas comment te dire combien tu me fais plaisir. Notre amour est aussi fort qu'un claquos qui pue la mort. C'est toi que je t'aime vachement beaucoup. C'est toi que je t'aime vachement beaucoup. C'est toi que je t'aime vachement beaucoup. Fais du Merci beaucoup, merci. J'avais plusieurs choix dans l'actualité en ce moment pour écrire des chansons. Et j'ai trouvé que vraiment il fallait faire un truc sur un sujet important, qui nous touche tous. Je pense que le fromage nous réunit tous, et que ça c'est important, de trouver des choses qui fassent qu'on soit un. T'es vegan, tu prends du tofu. T'es allergique au lactose, tu du chèvre. Vraiment, c'est adapté à tout le monde. Et alors pour tous ceux qui veulent comme moi la paix culinaire, la paix dans le monde, réunissons-nous autour d'une planche avec un maximum de personnes, un maximum de fromage. Et là on aura fait un grand pas vers l'unité avec amour. Oui, j'ai bien dit ce mot qui peut faire peur. Amour. Retrouvez-moi sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi, vraiment, suivez-moi. Je te suis, tu me suis, on se suit. C'est ça l'humanité, c'est ça le partage. Merci d'avoir écouté. Peace and love. Prenez soin de vous et vive la France.